et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurone sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde, de l'animation, du choix musical et de la recherche avec la complicité de Denis Marchand et Robert Blanchette. Et aujourd'hui à l'émission, on a un spectre assez large au niveau géographique, dans le temps aussi. Et dans les styles. Alors, on aura Supertramp avec le premier album paru en 1970. On a Engineers d'Angleterre. On aura Janos Varga de Hongrie. Zip Tang des États-Unis. Yes d'Angleterre. The Night Watch d'Italie. Astrolabio d'Italie. Hypnosis de Pologne. Crippled Black Phoenix d'Angleterre. Cairo des États-Unis. Gösta Berlin Saga de Suède. Et Seven Rays de France. Alors on démarre ça avec Supertramp et un extrait du premier album qu'ils ont, en fait l'album éponyme qui est paru en 1970. On va entendre un long extrait. Le titre c'est Try Again. Ça sera suivi de Engineers, une formation britannique avec trois albums à leur actif et l'album Three Fader paru en 2009. On va en tirer un extrait. On aura Janos Varga aussi après pour Janos Varga qu'on a fait jouer à l'émission la semaine dernière. On reprend ça avec un extrait de son premier album. Il y en a trois en studio. Et l'album s'intitule The Wings of Revelation. Et on conclut le bloc avec une formation américaine du nom de Zip Tang. Zip Tang, c'est du néo-prog américain. Ils ont cinq albums studio depuis 2007 et l'avant-dernier paru en 2013, Das Reboot, et c'est ce qu'on va entendre, un extrait. Alors, on débute ça avec Supertramp. Bye. Thank you.

when there's nothing left, there's nothing left to destroy. She's like- Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On va faire un petit survol de ce qu'on a entendu avant la pause. Il y avait Zip Tang, la formation américaine, avec la pièce Butterfly Tattoos. Ça, c'est extrait de Das Reboot. Et ça, cet album-là est paru en 2013. On avait auparavant Janos Varga Project de Hongrie avec la pièce Matching Souls. C'est extrait de The Wing of Revelation, paru en 2000. Ça a été précédé de Engineers avec Clean Colored Wired. Et paru en 2009. Et en début de bloc, nous avions Supertramp avec Try Again. Ça, c'est extrait de l'album éponyme paru en 1970. Pour le deuxième bloc, nous aurons deux groupes. Le premier, ben, c'est Yes. Je crois que c'est pas inconnu. Il n'y a personne qui est étranger à ce groupe-là. Yes, qui a beaucoup d'albums studio. Je pense qu'on en compte une douzaine. Et en fait, 19 albums studio. Il y a 18 albums live, il y a 23 DVD, il y a 17 compilations. C'est un groupe phare dans le rock progressif des années 70 et encore aujourd'hui parce qu'il y a, une variation, énième variation du groupe qui est en tournée, surtout avec le guitariste. J'ai un petit blanc. Et ça va être précédé de The Night Watch, une formation italienne. Formation italienne qui, en fait, est la version originale du groupe The Watch qu'on connaît aujourd'hui avec plusieurs albums studio. Mais ils ont fait un album sous le nom de The Night Watch en 1997. Et l'album s'intitule Twilight. On aura deux pièces extraites de cet album-là. Alors, on débute le deuxième bloc avec Yes et... la pièce « And You and I » tirée de « Close to the Edge ». Changed only for a sight, the sound of space, the green. sat preacher nailed upon the colored door of time. Insane teacher, be there reminded of the rhyme. There'll be no mutant enemy, we shall certify. Political ends, our sad remains will die. Reach out as forward taste begin to enter you. Glorious fight. and no way out. With too much sorrows, with smooth walls of stone. The sun, her voice, and the noise. Alors, avant la pause, on avait entendu la formation italienne de Night Watch. C'est un extrait de l'album. En fait, il y a eu deux extraits de l'album Twilight. Cet album-là est paru en 1997. C'est le seul de la formation sous ce nom-là, parce qu'on connaît, en fait, The Night Watch a été précurseur à The Watch. The Watch, qu'on connaît bien, ils sont venus à Québec l'année dernière. Ils sont très actifs avec plusieurs albums studio. Et ça a été précédé de Yes, avec la pièce « And You and I », et c'est extrait de, bien entendu, « Close to the Edge ». Alors, ce troisième bloc, il va être occupé par trois formations, une italienne, une polonaise et l'autre britannique. Du côté italien, on va aller avec une nouveauté de la formation Astrolabio. Le nouvel album s'intitule « Ai Paralumi della Ragione », et on va entendre Arte. En fait, c'est le troisième album du groupe qui vient de sortir. Et ça va être suivi de Hypnosis, c'est une formation polonaise qui ont deux albums studio à leur actif. Et c'est le deuxième qu'on va entendre, il date de 2011. Il s'intitule Relusion. Et on va entendre aussi en fin de bloc une nouveauté de la formation britannique Crippled Black Phoenix. Ça se trouve à être le neuvième album studio du groupe. L'album s'intitule Bronze. Et la pièce qu'on va entendre, c'est A Game with Shifting Mirrors. Alors, on débute ça avec Astrolabio. Troppo lucido, poco avvezzo al senso pratico. È ridicolo, non ho chiesto mai un centesimo, eppure pagano. Clinico corrisposto a un gusto estetico, poco economico. Conoscono l'arte se la vedono senza un dubbio empirico. Critica ben disposta all'atto ipocrita, consumistico, non è lecito un giudizio in senso etico. Senza anestetico. Oh, Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le quatrième et dernier bloc de l'émission, je vais faire un petit rappel sur ce qu'on a entendu avant la pause. Eh bien, c'était Crippled Black Phoenix, formation britannique, avec un extrait de leur plus récent album Bronze, et la pièce s'intitule Champions of Disturbance. Ça a été précédé de Hypnosis de Pologne, avec la pièce titre de l'album Relusion, qui est paru en 2011. Et au début de bloc, nous avions une nouveauté italienne d'Astrolabio, la pièce Arte, et c'est extrait de I Paralumi della Regione. Pour ce dernier bloc, nous aurons Cairo. Cairo, qui est une nouvelle formation, c'est le fondateur du groupe Touchstone, Rob Cottingham, qui a parti ce nouveau groupe. Ils ont produit un album qui s'intitule C, et on va entendre la pièce Nothing to Prove. Et on a aussi une nouveauté du côté de la Suède avec le groupe Gösta Berlings Saga. C'est leur quatrième album qui vient tout juste de paraître. L'album s'intitule Sersofane. Et en dernier, nous aurons Seven Rays, formation française qui en est rendue à son troisième album studio avec la Barque Ailée. La Barque Ailée, c'est en fait le Seven Rays, c'est le duo composé de Claude Mignon et Gérard Le Dort. Ils ont trois albums en 14 ans. Disons que c'est le seul groupe que je connaisse qui est subventionné par un mécène, ce mécène allemand. Et autrement dit, les musiciens sont payés pour produire des albums. Et ça explique un peu pourquoi ils sont perfectionnistes et ils prennent leur temps. Alors on entendra de la Barkele. La pièce, une petite seconde, Serpente Neige. Alors on débute ça avec Cairo. Trip, trip away, water on stone. Cutting through flesh, down to the under the skin, pernicious growth. Thank you. Oh, Alors, c'était Seven Rays avec la pièce Serpente Neige et c'est extrait de La Barkele qui est paru en 2015. D'ailleurs, ceux qui s'interrogent à savoir dans quel langage c'est chanté, c'est le breton. Ça a été précédé d'une nouveauté de Gösta Berlin's Saga et la pièce s'intitulait Fort Europa et c'est extrait de Sensophane. Et en début de bloc, nous avions Cairo avec la pièce Nothing to Prove, extrait de C. Qui est paru en milieu de 2016. Alors, ceci met fin à l'émission et je rappelle aux auditeurs que ceux qui veulent retracer l'information par rapport aux pièces qui ont été jouées aujourd'hui, vous pouvez consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous aurez un lien sur la liste des artistes, et le nom des pièces et des albums ainsi que la date de parution et le pays de provenance des artistes. Vous avez aussi un hyperlien qui vous permet d'aller sur archive.org où vous pouvez retrouver près de 70 émissions archivées avec aussi le canevas des émissions qui est aussi disponible sur ce lien. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.